L'éport de poème par Émile Verhaeren, enregistré pour LibriVox.org par Yasmine. Cet enregistrement fait partie du domaine public. L'éport. Des ports roses et gras, les mâles, les femelles, remplissaient le verger de leurs grognements sourds et couraient par les champs, les fumiers et les cours, dans le ballottement laiteux de leurs mamelles. Près du purin, barré des lames du soleil, les pattes s'enfonçant en plein dans le gadou, ils reniflaient l'urine et fouillaient dans la boue, et leur peau frémissait sous son lustre vermeil. Mais novembre approchant, on les tuait. Leur ventre, trop lourd, frôlait le sol de ses tétins. Leur cou, leurs yeux, leurs groins n'étaient que graisse lourde, et d'entre leurs fesses, on eût dit qu'il coulait du sein doux. On leur raclait les poils, on leur brûlait les soies, et leur bûcher de mort faisait des feux de joie. Fin de l'éport.